femme de glace. Une nation de nomades laisse dans sa traînée des enfants différents et beaux. C'est d'eux que surgira celui qui sera l'inattendu. Le nouveau sang est proche.